Chapitre 26e. Vivien fait appeler un jour Marc dans son bureau et lui dit d'une voix ferme « J'ai à vous parler d'affaires, Marc. Non pas des miennes, mais des vôtres. » Marc s'assied. S'il n'a plus rien à craindre relativement aux ardoisières, car sa comptabilité est irréprochable, sa situation domestique l'expose toujours à une explication qu'il redoute plus que toute autre chose au monde. « Je veux vous parler de l'avenir, » dit Vivien, « de votre avenir. » « Pourquoi vous en inquiétez ? Parce qu'il le faut. J'ai les raisons de croire que j'ai là une maladie mortelle, » dit-il en mettant la main sur son cœur. « Je mourrai comme notre père est mort. Je puis sans doute vivre longtemps encore, mais il est plus prudent d'être prêt à toute éventualité. Depuis que j'ai fait mon testament, j'envisage l'avenir avec plus de calme. Tous, nous devons mourir, c'est la loi commune. » « Hélas oui, » dit Marc en poussant un soupir. « Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai fait mon testament. « Vraiment ?» s'écrie Marc, sous le coup d'une émotion qu'il avait peine à dissimuler. « Je vous laisse tous mes biens, à l'exception de Hallworthy. « Oh, Vivien, quel don princier !» dit Marc en serrant son frère dans ses bras. « Que vous êtes bon pour moi. Je ne méritais pas tant. « Ne parlez pas de ce que vous méritez ou non. Vous êtes mon héritier naturel. À qui laisserai-je cette terre ? À ma femme ? Non. Les enfants d'un étranger n'hériteront pas de cette propriété. » Que la famille Penrith possède depuis plus de 2 siècles. Je tiens à ce que le vieux nom reste toujours associé à cet ancien domaine, à ce que le vieil écusson sculpté sur son fronton appartienne à celui qui habite la maison. Il faut songer à vous marier, Marc, et le plus tôt sera le mieux. » Marc baisse la tête pour cacher la rougeur qui colore ses joues, son front jusqu'à la racine de ses cheveux. « Il faut faire un mariage digne de votre fortune future, de votre nom. Depuis quelque temps, « j'observe avec une réelle satisfaction que vous venez ici beaucoup plus souvent, et je vous en félicite. Malgré le peu d'encouragement que je donne aux faiseurs d'histoire, ils m'en ont pourtant beaucoup raconté à votre sujet, mais j'espère que tout cela est fini maintenant. Que pouvait dire Marc ? Comme cela arrive trop souvent aux âmes faibles, il se réfugia dans le mensonge. Oui, j'ai quitté celle dont j'avais cru ne pouvoir me séparer jamais. J'en suis enchanté, mon ami. Avez-vous pensé quelquefois au mariage ? Non, pas dans ces dernières années. Nous menons ici une vie si retirée. C'est ma faute, je le sais. J'ai horreur des visages nouveaux. Mais c'est à vous de chercher, Marc. La sœur de ma femme serait, suivant moi, le meilleur choix que vous puissiez faire. Elle est charmante. Malheureusement, je crois qu'elle n'a aucun goût pour moi. Qui sait ? Le cœur d'une jeune personne peut avoir de soudaines aspirations. Vivien, n'en parlons pas, je vous en prie. Il est de certaines questions qu'il vaut mieux ne pas aborder. Je comprends. Répond Vivien, persuadé que Florence avait repoussé les vœux de Marc. « En tout cas, je souhaite ardemment vous voir marié avant ma mort. » Marc serre fortement la main de son frère. Le cœur lui bat fortement. Il est bien tenté de tout avouer. Mais la pensée que cette révélation va lui enlever l'estime de son frère arrête l'aveu sur ses lèvres tremblantes. « Marc, » dit Vivien, « donnez-moi la carte de la propriété. Je tiens à vous montrer ce que j'ai ajouté à l'héritage paternel. » Marc déroule la carte devant son frère, qui lui récite la liste de toutes les fermes. Ils se rendent compte tous les deux de l'aspect du paysage, des qualités du sol, des différentes sortes de cultures et des belles chasses qu'offre la propriété. Les hautes montagnes n'y figurent que pour mémoire. « Je regrette mes longues promenades à cheval, » dit Vivien, « mais je crois que le repos plutôt que l'exercice peut me maintenir en santé. » Malgré son peu de confiance dans la médecine et les médecins, Vivien suit très scrupuleusement un nouveau régime et observe un repos presque complet. Mais il tourne dans un cercle vicieux, car cette vie sédentaire lui fait perdre toute énergie morale et l'entretient dans son hypocondrie. Pour combattre cette disposition, Barbara tâche de lui faire reprendre goût aux longues promenades en voiture dans les environs. Mais sa sollicitude semble suspecte à Vivien Penrith. « Je deviens chaque jour de plus en plus casanier, » dit-il à Barbara. Il faut vous faire à la pensée de me trouver toujours au coin du feu. Pourvu que cela ne vous paraisse pas trop fastidieux. Oh, Vivien, c'est mal ce que vous dites là. Cela pourrait vous être agréable si j'étais jeune et aimable, mais un mari de mon âge, sérieux, hypochondriaque, malade, ferait mieux de passer sa vie au grand air, n'est-il pas vrai? Comme c'est mal à vous, Vivien, de tenir un pareil langage. Ai-je donc jamais eu l'air fatigué de votre compagnie? Non, répondit-il. Vous êtes aimable et bonne. Mais voyez-vous, ma chère enfant, je suis si malheureux. » Il pousse un profond soupir et couvre son visage de ses deux mains, hâlées par le soleil et rugueuses. elles ont l'air d'appartenir à un ouvrier qui gagne son pain à la sueur de son front plutôt qu'à un aristocrate. Barbara se jette à genoux près de lui. « Vivien, êtes-vous malade? Qu'avez-vous ? » lui demande-t-elle avec anxiété. « Je ne suis pas malade, mais seulement triste jusqu'à la mort. Il vaudrait mieux pour vous, je le sens, que je fusse dans le tombeau. Vous n'êtes pas heureuse. Vous ne pouvez pas l'être. Vous n'avez consenti à devenir ma femme que par dévouement aux intérêts de votre mère, de votre sœur. Je le savais. Et malgré cela, je vous ai épousée, mais sans mesurer ce que mon amour pour vous aurait à souffrir de votre indifférence. Vivien, vos bontés vous ont gagné mon cœur. Je vous aime. Oh, vous ne m'aimez pas comme vous avez jadis aimé le capitaine indien. Non, dit-elle, car un pareil amour est unique dans la vie. Seriez-vous plus jeune, plus beau, plus brave, meilleur que George Leland, je ne pourrais vous aimer comme je l'ai aimé. Comment pouvez-vous me parler ainsi de cet amour? Pourquoi ne vous parlerai-je pas franchement, loyalement, du passé? Du passé peut-être, mais du présent. Vous savez, je suppose, que le major Leland est établi dans le voisinage pour passer son congé de convalescence. Oui, je l'ai vu une fois, et je pense que Prissy n'a pas dû manquer de vous en informer. En effet, il est venu me voir. Un être méchant et pervers, un individu qui fait le mal pour le mal, lui avait dit que je n'étais pas heureuse. Il a voulu s'en assurer par lui-même, et c'est de mes lèvres qu'il a appris que Mulford avait menti. Mulford ? Lui-même. Vous l'avez toujours eu en aversion. Vous voyez que ce n'était pas sans raison. Est-il besoin que je vous dise, Barbara, que je ne saurais tolérer ici les visites du major Leland, secrètes ou avouées? Ah, Vivien, je me suis fait un devoir de tout vous avouer. Ma franchise devrait vous inspirer la confiance. Il y a bien longtemps, ce me semble, que votre mère et votre sœur ne sont venues ici. Un peu moins d'un an. Invitez-les, je vous prie. Barbara regarde son mari avec une touchante expression de satisfaction et de reconnaissance. Prissy goûte peu, malheureusement, la société de ma mère et moins encore celle de ma sœur, dit-elle. C'est vous, et non pas Prissy, qui êtes maîtresse ici. Êtes-vous bien sûr que cela ne vous fatiguera pas? Lui demande-t-elle avec tendresse. Ce qui me fatigue, c'est l'idée que vous n'êtes pas heureuse,